Ce tandem à l'allure banale que vous voyez sortir d'un studio d'enregistrement est en fait l'unique groupe mixte hip-hop. Bref, vous l'avez compris, ils sont à la tête d'un album conséquent qui pèse dans le paysage rapologique français. Un jeune Français d'origine maghrébine et de confession musulmane a été interpellé pour avoir consommé du cannabis en plein centre de Saint-Miron-la-Bruyère. Il a été immédiatement écroué au centre de détention de Fleury-Mérogis pour une durée de 3 mois ferme. Aujourd'hui, dans Confection intime, Monique est débordée par son fils. Elle n'a plus d'autorité sur lui. Kevin, c'est le bordel dans ta chambre. Tu vas ranger ta chambre, oui ? Ta gueule, maman. Dégage de la chambre. Dans l'affaire des 100 millions détournés à la mairie de Paris, tous les protagonistes ont été relaxés. Fatoumata, viens là, alors, t'es la première à sortir du loft, donne-nous tes impressions, là, alors, t'es énervée, t'es super contente, tu vas déchirer la vie, raconte-nous, là, maintenant. Là, je suis trop contente, ça m'a apporté plein d'expériences, et je sais qu'à l'extérieur, il y a plein de bonheur qui m'attend. Au sommaire, ce soir, dans Ça se dispute, nous sommes allés à la rencontre des malades du TOC. Oui, alors moi, ça fait 10 ans que je vis avec ça. Merde ! Et, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Putain, merde, enculé de ta mère ! Donc, je peux rien y faire. Hé, mec, salut! Mais pourquoi dans les télés françaises, tous les blacks, on parle tous comme ça? La réalité, t'entends le gars, la réalité, il est marrant, le gars. Mais la réalité, mon pauvre ami, mais votre réalité, tout le monde s'en fout de votre réalité. Si la réalité intéressait les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, abruti.